J'ai demandé à toute la chorale de bien vouloir venir. Bonjour, monsieur Fernand. Je n'ai pas pris votre colle. Bonjour, mademoiselle Florimond. Vous êtes venu avec votre cousin Germain. Très sympathique. Il est de où? Il est de Francfort. De où? Francfort. Ah ben c'est pour ça que c'est votre cousin Germain. Très bien. Alors, monsieur l'abbé, pardon, mademoiselle, vous savez que le 19 décembre... À 15h30. Le 19 décembre, il y a la grande soirée artistique. Oui. Le bruit court qu'il y aura même un artiste professionnel. Et il est question, oui. Voilà. Il est question. Il est parti à Toulouse, mais il pense revenir à temps. C'est à quelle heure? C'est à 15h30 dans les jardins du presbytère. Un goûter sera servi après le grand concert. À ce propos, monsieur Fernand, oui. Je m'excuse, je vois que vous avez beaucoup d'amis cet après-midi dans la salle. Est-ce que vous me permettriez, à l'occasion de l'entracte, de faire une petite quête? Écoutez, je vous en prie. Alors, nous. Il faut absolument que nous sachions tous la belle chanson « Yves Lan, passe-moi l'éponge ». Mademoiselle Zézette, donnez l'exemple. Vous l'avez apprise? Oui. Vous avez une belle couette là. Hein? Ah, il ne faut pas les tousser. Faut pas les tousser. Ma maman? Comment? Ma maman, elle a dit il faut pas les tousser. Eh ben, nous ne les toucherons pas. Vous êtes de la même famille, tous les deux. Yves Lan, passe-moi l'éponge. Yves Lan. Bien, c'est gentil. Et vous, monsieur l'abbé, donnez l'exemple. Voilà. Efflant, passe-moi l'éponge. Efflant, fais-moi gligler. Efflant, passe-moi l'éponge. Efflant, gousi, gousi. Très bien, n'était pas tard. Monsieur Chalamand. Monsieur Chalamand, s'il vous plaît. Ah! Bonjour, monsieur Fernand. Vous êtes d'un chic extraordinaire. Oh, et madame Chalamand n'est pas là? Quelle surprise! Non, madame Chalamand n'est pas là. Oh. Figurez-vous que nous sommes venus à vélo et que son vélo a crevé en route. Oh, mais elle n'est pas. Oh! Vous êtes en pleine forme, monsieur Chalamand? Je crois, vous êtes travaillé. Toujours. Ça marche madame... toujours là-bas au bon marché, oui. Ça va, merci, oui. Y a ça pas, va. Il n'y a pas d'ennui, tout se passe bien. Vous avez eu votre beaucoup prime. Beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. Vous avez eu une prime quand même au mois de septembre. Oui, j'ai eu une. Vous êtes content? Très bien. Alors, vous avez appris le refrain? J'ai beaucoup travaillé, oui. Ah oui, oui, oui. M. Chalamand a toujours été un exemple. Ah oui, oui. Il est trésorier de la chorale, vous avez touché tous les pécules, tout le monde, les cotisations. Ah, je ne sais pas si le Boy Scout, il y avait des histoires. Oui, vous n'avez pas donné la cotisation, vous. Il y en a deux qui ne l'ont pas donné. Il y en a deux qui ne l'ont pas donné. Ah oui, alors c'est pas simple. Mais est-ce que vous connaissez le refrain? J'ai beaucoup travaillé, je vais essayer de chanter. S'il vous plaît. Le refrain. M. Chalamand, à vous. Passe-moi l'éponge, Evelyn, fais-moi gli-gli, Evelyn, passe-moi l'éponge, Evelyn. Vous pourriez passer au Châtelet. Mademoiselle Le Lambec, s'il vous plaît. Mademoiselle Le Lambec. Ça va? Tout est bien? Oui, ça va très bien. Voilà. Nous avions peur que vous soyez en retard. Ça va. Votre sœur va bien? Ma sœur va mieux, je vous bon, remercie. Voilà. Et votre frère, qui est ma sœur, travaille bien? Eh bien, ça marche. Bon. Ben, dites donc, je vois que vous n'avez pas encore fait les vendanges. Toujours aussi spirituel. Dites, Germaine, s'il vous plaît. Alors, je vais chanter le dernier refrain et vous chanterez le dernier couplet. Oui, au service militaire, il fallait se laver les dents. Il fallait se laver le derrière, les oreilles et puis le restant. Le soir, il y avait une marmite, un gros scandale jeté dedans. Et moi, qui avais la réplique, je criais à l'adjudant. Qu'est-ce que j'y criais à l'adjudant? Yves Lan, passe-moi l'éponge. Yves Lan, Mademoiselle Lambert, vous n'étiez pas teinte. Merci, je vois que vous êtes venue avec votre filleul, là, le Boy Scout. Il a une tête à réussir ses deux bacs du premier coup. Il en a un. Alors, Mademoiselle Lambert, j'ai appris que lorsque vous étiez seule chez vous, vous aimiez vous adonner à quelques petites passions secrètes. Qu'est-ce que vous aimez? Quel est votre violon dingue? Eh bien, j'aime le jazz. C'est vrai? Ah oui, beaucoup. On me l'avait dit, mais je pensais que c'était... Monsieur Chalamont m'a dit qu'elle aimait le jazz. Mais c'est une blague ou quoi? Non, elle aime beaucoup le jazz. Ah, et quel est l'artiste que vous aimez dans le jazz? Eh bien, par-dessus tout, Louis Armstrong. Ah, oui. Par-dessus tout. Ah oui. Eh bien, écoutez, est-ce que vous pensez que vous, qui connaissez bien Louis Armstrong, qu'il... Un peu. Oui, et puis... Count Basie. Eh oui. Merveilleux orchestre. Oui. Vous pourriez nous chanter à la manière d'Armstrong, Evelyn, passe-moi l'éponge. Eh bien, je vais essayer. Nous vous jouissons. Evelyn, passe-moi l'éponge. Evelyn, fais-moi gris-gris. Nous allons demander à la clique de rentrer. Et, monsieur l'abbé, j'ai une chose extrêmement importante. La clique des joyeux passionnés du dimanche. Oui, que nous connaissons d'ailleurs. Bien entendu. Il y a monsieur Delbège de la SNCF. Ben oui. Il y a monsieur Frosia. Les PTT, toutes les... Monsieur... Comment? Il y a monsieur Dufouillou. Ah, c'est son papa. Oui. Très gentil. Ah, vous voulez quand même son papa? Non, je n'ai pas un coquin, son papa. Non. Alors, finissons de sourire pour conclure, monsieur l'abbé. Oui, une chose nous avons appris. Très mauvaise nouvelle. Silence, messieurs les musiciens. Très mauvaise nouvelle, messieurs. Voilà. Messieurs, très mauvaise nouvelle. Si ça vous intéresse, on a reçu plusieurs lettres anonymes. Qui n'étaient pas signées d'ailleurs. On nous accuse de ne pas être dans le vent. La chorale serait complètement dépassée, enfin, serait complètement retardée. Oh, c'est complètement alors, faux. Monsieur l'abbé, oui. Étant responsable trésorier de la chorale, voilà. J'ai demandé à mademoiselle Lambert de bien montrer qu'on est dans le vent, parce que le 19 décembre, pour la fête de la paroisse, nous allons chanter très cette bien. Chanson. Bravo, 1, 2, 3, 4. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour évincer toutes nos scènes que tu as séduites. Séduites. Je forme l'espoir de la robe que j'ai vue et que j'ai cousue. On descend à la prochaine, hein. 3, 4, et là.